Giselle do? Ooh, Giselle do. Ooh. Ils veulent me tenir à la main, c'est tous des suceurs de bite. Pour eux j'aurais pu mettre les gants, mais c'est tous des suceurs de bite. Ils sont pires que des animaux, c'est tous des suceurs de bite. Que des camps, pas le temps, c'est tous des suceurs de bite. Je l'avoue, c'est des fous, maintenant ils pipent même devant les gens. Y'a de tout, c'est des fous, c'est vraiment tous des suceurs de bite. C'est ça leur bail, ça dérange et voilà, ça m'énerve. Faut pas tu mélanges, c'est tous des suceurs de bite. J'ai pas le time, t'as le time, t'es pas de time. J'ai pas le time, t'as le time, j'suis dans les bails. J'ai pas le time, t'as le time, t'es pas de time. J'ai pas le time, t'as le time, j'suis dans les bails. Igor, tu connais, pour abonner toi me reverrai dans le cul. Pas besoin de monnaie, on sait que toi t'as déjà donné dans mon cul. Trop suceur de couillère, on sait que toi t'as déjà donné dans mon cul. Pour avoir la gomme, sur les réseaux sociaux, toi on sait que tu te la donnes. Pour Facebook et tous ses abonnés, ils se la donnent. Pour Instagram et tous ses abonnés, ils se la donnent. Espèce de suceur de boule, c'est juste parce que je rappe, je suis un peu connu. Espèce de suceur de boule, t'es qu'un rigolo, pourquoi tu m'idolâtres? Espèce de suceur de boule, à force d'être en levré, t'en as plein le dos. Espèce de suceur de boule, ils prennent sur la sofate ou dans la cheboue, même sur les dents. C'est vraiment des gueudins, comme ils sont bidons, ils sont sur le banc. Ils prennent sur la sofate ou dans la cheboue, même sur les dents. C'est vraiment des gueudins, comme ils sont bidons, c'est tous des suceurs de boule. J'ai pas le time, t'as le time, t'es pas de time. J'ai pas le time, t'as le time, j'suis dans les bails. J'ai pas le time, t'as le time, t'es pas de time. J'ai pas le time, t'as le time, j'suis dans les bails.